L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. À l'affiche, un spectacle qui mêle à la fois la danse et l'acrobatie, voire l'inverse, avec Mathurin Bolz et Karim Messaoudi, pour un duo que je pourrais qualifier, sans jeu de mots, de renversant, n'est-ce pas, Jean-Joël Le Chapelain ? Ah oui, il l'est totalement, puisqu'il s'agit là d'une performance. Hein, c'est un spectacle, mais c'est aussi une performance menée par ces deux artistes que sont Mathurin Bolz et Karim Messaoudi, oui, et qui sont deux générations différentes. Mathurin Bolz est plus âgé que l'autre, donc il y a une espèce de passage de témoin, d'une certaine façon, dans ce spectacle, qui tire son nom et son inspiration, Baron Perché, du roman d'Italo Calvino, qui éponyme, hein, le Baron Perché, qui avait pour objet de raconter l'histoire d'un fils de famille qui en a marre de toutes ces conventions, de cette vie sociale insupportable, et qui décide de vivre dans un arbre. Hein. Voilà, donc c'est un baron, c'est un fils de famille, et donc il pose sa contestation dans un mode de vie tout à fait en dehors des choses, et Mathurin cite même la phrase, point de départ de son spectacle, « J'en ai marre de vivre à plat, dans ma cabane en bois, je vivrai en volume ». Donc ça dit bien l'intention de ce personnage un peu fantasque, qui en fait est parfaitement traduite, enfin l'esprit est parfaitement traduit dans cette proposition de Mathurin Bolz, puisqu'il invente une maison qui est en fait une maison verticale, et dans cette maison verticale, on va voir, grâce aux effets du trampoline et à l'acrobatie de ces deux artistes, eh bien on va voir des personnes se déplacer dans l'espace de manière tout à fait inhabituelle, avec toute une mise en mouvement, une mise en perspective, des scènes de la vie quotidienne, mais qui sont totalement décalées. Il joue de la musique, il fume une cigarette à la fenêtre, laquelle fenêtre est totalement un endroit inaccoutumé. Et puis, il y a comme ça toute une scénographie qui est au service d'un propos qui nous emmène dans plein d'endroits différents. Ils sont ceux un peu du rêve. Je pense que enfant, on a tous plus ou moins rêvé de la pesanteur. Eh bien là, on est en plein dans la réalisation, si on peut dire, de la pesanteur et de choses tout à fait poétiques et, oui, fantasques, on peut dire. Je crois que c'est le mot qui s'applique le plus à cette dramaturgie où on passe un moment tout à fait formidable. Alors, c'est le deuxième volet, en fait, d'un projet, puisqu'on parle d'une pièce initiale qui avait pour titre « Fenêtre », qui mettait en scène le personnage de Bachir, habitant cette cabane, et pour inventer une vie moins pesante, d'où ce travail sur la pesanteur, sur effectivement la loi de la gravitation, si chère à Sir Isaac Newton, la gravité et la pesanteur, pour s'évader de la médiocrité. Là, il se retrouve avec son double, on ne sait pas d'ailleurs si c'est vraiment son double ces deux personnages. Je crois qu'on peut tout imaginer dans le milieu et par rapport à ce que l'on connaît de Mathurin Bolz et de ce jeune artiste qui l'accompagne. Eh bien, c'est une sorte peut-être de transmission. On est dans cette idée que finalement à la fois une transmission et à la fois son double. Et donc Mathurin Bolz, qui est véritablement un artiste singulier, qui a fait beaucoup de spectacles en solo aussi, hein, eh bien, comme dans Fenêtre, il imagine qu'il y a une sorte de prolongement, mais c'est véritablement la correspondance entre cette évasion poétique qui est celle du poète Italo Calvino, cette idée de faire un pas de côté, cette idée d'être ailleurs, cette idée de s'affranchir d'un certain nombre de codifications. Et qu'est-ce qu'il y a comme plus grande codification, sans doute, que celle de la gravité, en effet, puisqu'on peut difficilement y échapper, eh bien, d'inventer un propos comme ça en l'air et renversant à tous les sens du terme, puisque pour voir le spectacle, il faut être aussi, j'allais dire, disponible dans sa tête. que peut l'être celui d'un enfant ou d'un jeune qui a envie de s'évader, ou de nous-mêmes d'ailleurs, quand nous avons envie de penser à autre chose. Deux artistes magnifiques, effectivement, entre danse et acrobatie. Ils maîtrisent effectivement les arts du cirque, assurément. On dit d'ailleurs que c'est une véritable danse-poursuite élégante, le tout sublimé, comme je venais de le préciser, par deux acrobates, danseurs magnifiques. Donc voilà de quoi apprécier, car ils sont tous les deux issus des écoles nationales du cirque. Des prouesses techniques et acrobatiques éblouissantes. Oui, et puis on connaît d'ailleurs, Karim, on le connaît moins évidemment, mais vu sa jeunesse, puisqu'il est sorti il y a 7-8 ans de l'école de cirque, mais Mathurin Bolz, on le connaît bien, il a été impliqué dans beaucoup de projets, notamment un artiste avec lequel nous avons beaucoup travaillé, qui est François Véret, puisqu'il a fait plusieurs pièces avec lui, notamment... une pièce sur le Moby Dick, hein, qui s'appelait Sans Retour, et dans laquelle Mathurin Bolz était dans l'exercice d'une activité dans laquelle il essayait d'illustrer ce qu'est dans un autre univers, qui est la mer et la chasse à la baleine, d'évoquer cette particularité du corps humain dans des situations extravagantes, au sens où elles sont effectivement mises en cause par le vent, par la difficulté de s'envoler, mais attiré par la gravité, d'être quand même dans une espèce de mouvement qui fait appel au désir de l'homme de voler, par exemple, et d'être là dans le vent, ici, dans une maison, et totalement renversé. Nous sommes là dans des univers que porte cet artiste et cette équipe tout à fait, de manière tout à fait formidable, et c'est un moment magique, quoi, qui dure peu de temps. C'est un spectacle court, mais c'est un spectacle dans lequel on ressort avec plein d'images dans la tête. Deux occasions pour le découvrir, le mardi 28 février à 20h30 et le mercredi 1er mars à 20h30 également. C'est à l'Apostrophe, au Théâtre des Louvrets à Pontoise pour le lieu de spectacle. Voilà, présenté évidemment par la compagnie Les Mains, Les Pieds et la Tête aussi, pour ce spectacle qui a pour titre, je vous le rappelle, Baron Perché. Merci Jean-Joël Le Chaplin. C'est moi.